Examen 5. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Pour l'achat des places pour le concert du groupe La Rue Quétanou à Biarritz, le 29 juillet, appuyez sur la touche 1. Pour obtenir d'autres dates de concert du groupe, appuyez sur la touche 2.